F juste à l'aura que j'ai son mad dans la F juste à l'aura que j'ai son mad F juste à l'aura que j'ai son mad Or blanc or blanc or chopinade dans la Or blanc or blanc or chopinade Or juste au gré de vide vous t'avez dans la Or juste au gré de vide vous t'avez Or juste au gré de vide vous t'avez A gar merkède vide vous t'arrête dans la Just a love like she told my mom, just a love.